France Culture, il est 16h. Tout de suite, Continent Science, Stéphane Déligeorge. J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. Toujours en direct de la Maison Ronde, toujours en ouverture, des rendez-vous scientifiques qui, encore une fois, ont changé d'horaire et qui maintenant sont à 16h, c'est Continent Science. Bonjour à toutes, bonjour à tous. À notre sommaire aujourd'hui, eh bien, nos relations avec les machines intelligentes, les machines pensantes. Et surtout avec un invité, Serge Tisseron, qui est psychiatre et qui a analysé avec minutie les relations d'amour possible, d'empathie, de sympathie, avec ces objets intelligents. Mais évidemment, nous allons respecter nos habitudes et tout de suite, la chronique animalière. Pour cette chronique animalière, aujourd'hui, je retiens à nouveau encore l'Oxodonta africana, l'éléphant d'Afrique, et l'Elephas maximum, celui d'Asie. Et pour une singularité qu'il partage avec le fameux rat taupe nu que l'on trouve en particulier au Kenya, et pour cette raison suivante, moins de 5% des éléphants meurent d'un cancer. Les pachydermes ont beaucoup de qualités, on les connaît, météorologiques, de son. Mais les éléphants sont aussi très, très forts contre le cancer. Des chercheurs en 2015, après avoir analysé toutes les données disponibles sur la mort naturelle des éléphants d'Afrique et d'Asie, ont trouvé que le taux de mortalité dû au cancer pour les pachydermes était donc de moins de 5%. Un chiffre surprenant par rapport au taux de mortalité par cette maladie qui est chez l'homme de 11 à 25%. L'arme secrète des pachydermes pour lutter contre le cancer, eh bien, cette arme s'appelle TP53, c'est un gène. Logiquement, plus un animal est grand et vit longtemps, et plus il risque de développer un cancer. On peut comprendre, les grands animaux ont plus de cellules, et donc plus de risque d'une mutation délétère responsable d'un cancer qui pourrait subvenir. De même, plus un animal vit longtemps, plus ses cellules se divisent pour assurer ce renouvellement par mitose. Or, il s'avère que chez les mammifères, la mortalité due au cancer n'augmente pas avec la taille ni avec l'espérance de vie d'une espèce. Ainsi, les humains, qui ont beaucoup plus de cellules et vivent beaucoup plus longtemps que les souris, ont à peu près le même risque de mourir d'un cancer que ces dernières. Et cela, on l'appelle le paradoxe de Peto. Une hypothèse serait que les grands mammifères auraient développé des stratégies leur permettant donc de déjouer le cancer. Pour comprendre la résistance des éléphants, ces pachydermes, les scientifiques ont donc étudié un gène crucial chez les mammifères dans la prévention du cancer qui est appelé donc le TP53. Du fait, ce gène code pour une certaine protéine qui elle s'appelle P53 tout court et qui surveille, en quelque sorte, les cellules. Lorsque l'ADN de l'une d'elles est endommagé, ce gène, P53, entre en action, parfois réparant les dégâts, parfois bloquant la division cellulaire, et parfois encore provoquant ce qu'on appelle, bien sûr, l'apoptose, c'est-à-dire la mort cellulaire par autodestruction. Les personnes possédant une version défectueuse de TP53, on parle du syndrome de Li-Fromeni, ont 90% de risque d'avoir un cancer. Ce qui démontre, bien sûr, le rôle primordial de ce gène dans le contrôle des mutations délétères. TP53 est aussi appelé le gène suppresseur de tumeurs. Or, l'homme possède un seul TP53, avec bien sûr ses deux versions, ses deux allèles, alors que les éléphants en ont 20, ce qui donne évidemment 40 allèles. Afin de comprendre comment le cancer est combattu, les chercheurs ont soumis des échantillons de cellules d'éléphants à des tests en laboratoire. Ils les ont ainsi bombardés de radiation, de produits chimiques et d'UV. Autant de moyens connus pour endommager l'ADN. Dans tous les cas, la réponse de la cellule éléphantine a été la même. Elle s'est suicidée. Reste maintenant à déterminer comment, précisément, les éléphants utilisent leur vingtaine de TP53. La nature a déjà compris comment prévenir le cancer. À nous d'apprendre comment les différents animaux parviennent à résoudre le problème afin que nous puissions peut-être un jour avoir des stratégies pour prévenir le cancer chez l'homme. On conclut bien évidemment les scientifiques qui ont mené ces études. Bonjour Serge Tisseron. Bonjour. Alors nous allons parler des animaux, peut-être en commençant... Nous allons parler des automates, des robots, des androïdes, vous voyez. C'est drôle de bête. Oui, d'un seul coup, c'est la confusion, c'est Blade Runner. Celui qui rêvait des moutons électriques, exactement, d'une certaine façon. Hein, voilà. Peut-être l'explication confuse de ma confusion. Et vous parlez dès l'abord dans votre ouvrage, pour bien signifier les choses, qui est une certaine manière, si on décortique dans tous ces détails votre fil rouge, vous parlez de ces soldats qui utilisent des démineurs, donc des automates démineurs, et qui finissent très curieusement, pour certains d'entre eux, à s'attacher à eux. Ce sont des objets de série, ils sont dupliqués, c'est tous les mêmes. Donc c'est l'itération du même objet technique, ou du même artefact humain. Oui. Et pourtant... Oui, tout à fait. Alors c'est même l'une des publications principales dont je suis parti, parce que pour comprendre les relations que nous pouvons avoir avec les robots, il existe actuellement très peu de publications sur les robots domestiques. En revanche, l'armée a introduit des robots, bon, pour des raisons bien compréhensibles, pour économiser les hommes, hein, l'armée a introduit des robots depuis une bonne quinzaine d'années, donc il y a du recul, l'armée s'intéresse évidemment beaucoup à ce qui se passe sur le terrain, et donc ces fameux robots des mineurs, hein, les fameux packbots, sont des machines pas du tout humanoïdes, hein. Ça ressemble à une caisse avec deux chenilles et puis un bras articulé, une petite caméra, c'est pas très gros, hein. Ça fait 70 cm sur 80. Et pourtant, l'armée américaine s'est aperçue que les soldats qui les ont en charge s'attachent à eux et ont avec ces machines des relations que l'armée américaine qualifie de semblables à celles qu'ils pourraient avoir avec des animaux, voire avec des êtres humains. Jusqu'à un point très problématique, c'est que certains soldats peuvent même risquer leur vie pour éviter à leur machine, alors je dirais pas d'être blessé, mais d'être endommagé. Hein. Des machines qui sont fabriquées en série, et bon, une machine détruite peut facilement être remplacée par une autre. Et quand la machine est seulement endommagée sans être totalement détruite, beaucoup de soldats demandent que leur machine à eux soit réparée, même si ça coûte très cher, plutôt que de leur en donner un nouveau modèle, on pourrait dire, avec lequel ils ne sont pas familiers. Vous voyez, donc des formes d'attachement qui peuvent nous laisser entrevoir qu'entre l'homme et les machines, les choses sont plus compliquées que ce qu'on aimerait le croire. Eh oui, là vous les analysez de façon presque systématique, parce que c'est ce qui fait, je crois, l'originalité profonde de votre travail, de cet ouvrage, c'est que vous recensez vraiment toutes les manières que l'on peut avoir d'entretenir, et réciproquement, on verra d'ailleurs ce concept de réciprocité qui est presque nodal dans votre dispositif, avec d'autres, avec celui d'empathie, sur toutes les relations que l'on peut entretenir et qu'on va entretenir de plus en plus, puisque une des voies, bien sûr, ça va être l'humanoïde, c'est-à-dire que il y a les écrans, bien sûr, mais de plus en plus, il suffit de regarder certains projets déjà en acte, certains robots construits qui sont très anthropoïdes de forme, ils sont très à la ressemblance de l'homme, d'une oui, certaine façon. Tout à fait. Alors, la question de l'attachement de l'humain à une machine automatique, hein, c'est ça un robot, hein, c'est une machine automatisée, pour aller vite, on pourra en reparler, mais c'est pour simplifier, on va dire ça. La relation d'un être humain avec une machine qui a une certaine autonomie et ne nécessite pas du tout que cette machine ait une apparence humaine ou même anthropomorphe, hein, comme montre l'exemple des soldats américains avec leur robot packbot. Alors, est-ce que l'apparence humaine favorise cette relation? Ben, pas vraiment non plus, hein, oui, parce qu'il a été montré que dans l'état actuel de la technologie, si un robot a une apparence humaine, en même temps, on voit bien tout de suite que c'est pas un vrai humain, ça cloche un peu, quoi. Le mouvement des yeux, le mouvement de la tête, la gestuelle, il y a quelque chose qui cloche, et c'est plutôt angoissant. Alors, un peu détraqué, vous dites, hein. Voilà, c'est-à-dire, c'est un peu un homme détraqué. Voilà, un homme détraqué. C'est étrange. Comme un zombie, vous savez, les zombies ont une apparence humaine, et pour cause, hein, ils sortent de leur tombe, mais en revanche, ils ont une manière de marcher très saccadée. Et si un zombie ne marchait pas de manière saccadée, on verrait pas la différence avec un humain. Donc il y a toujours ce décalage, hein, dans la manière de regarder l'humain, voilà. Et donc, du coup, on s'aperçoit que l'apparence anthropomorphe, l'apparence humaine du robot, non seulement n'est pas un élément qui va favoriser la relation avec lui, mais qui peut, en revanche, même la compliquer. Mais pourtant, il est important que l'être humain puisse communiquer simplement avec les machines. Donc, c'est utile que l'être humain puisse parler à la machine. Donc, il faut que la machine comprenne nos paroles. C'est bien que l'être humain aussi puisse communiquer avec la machine par des mimiques. Bon, par exemple, une personne âgée chez elle qui ne dit rien, il faut que le robot, ce qui a été mis, le robot domestique installé chez cette personne, puisse voir si cette personne est une mimique de souffrance ou une mimique de plaisir. Oui. Et puis, c'est encore mieux si le robot peut nous répondre avec notre mimique. C'est-à-dire que si on lui dit qu'on est content, il va nous sourire. Alors, vous voyez, c'est très compliqué. Parce que d'un côté, c'est très bien de se rapprocher d'une apparence humaine pour simplifier à l'extrême la communication. Et d'un autre côté, tant que la technologie ne sera pas absolument parfaite, on courra toujours le risque d'être angoissé par ces machines, parce que ça sera ce que Freud appelait l'inquiétante étrangeté. Ça paraîtra à la fois familier et à la fois tellement différent de ce qui est familier. Donc beaucoup de recherches ont lieu pour essayer de concilier ces éléments apparemment contradictoires. Une voie possible étant peut-être de donner à ces robots non pas une apparence absolument humaine, mais une apparence de divinité. Pourquoi pas, dans la société asiatique, donner l'apparence du Bouddha. On saura que c'est pas un humain, et pourtant il interagira avec les mimiques, les yeux, etc. Vous voyez, il y a beaucoup de recherches là autour, et rien n'est décidé encore. Et tout est à analyser, en plus dans le détail. Alors on peut peut-être commencer, Serge Tisseron, par cet exemple, parce que à chaque fois vous commencez à regarder la situation de l'homme, en particulier dans son comportement, en particulier dans ses postures, dans ses éléments psychologiques, ses fonctions psychologiques. Vous parlez de concernant, dès le départ, hein, une possible empathie homme-machine. Vous dites qu'il y a trois conditions. Mieux comprendre les émotions humaines, fabriquer des robots qui savent mieux, qui seront mieux acceptés par la majorité de la population des humains, et dans certaines circonstances, réduire la complexité des échanges pour les adapter au handicap des hommes. Et donc à chaque fois, vous allez d'abord regarder, on va tout de suite rentrer dans des exemples plus précis, mais prenons, puisque vous le mobilisez, l'exemple de l'autiste. D'une certaine manière, l'autiste, il a des difficultés de communication. Tout à fait. Alors, tout ce que je viens de vous dire il y a quelques minutes, ça concerne la communication du robot et des gens comme vous et moi, qui sont à peu près à leur aise avec les mimiques. Bon, ce qu'on sait depuis pas très longtemps d'ailleurs, c'est que les enfants autistes ont de la difficulté à identifier les mimiques. C'est-à-dire un bébé qui n'est pas autiste, sa maman lui sourit, le bébé fait un effort pour faire la même mimique que sa maman, il ressent du plaisir et il comprend que sa maman a du plaisir. Si en revanche la maman fait la bouche en bas, le bébé force sa mimique en bas, il éprouve du déplaisir et comprend que sa maman a du déplaisir. Alors l'enfant autiste, le bébé autiste, lui aussi, il essaye de reproduire la mimique de plaisir ou de déplaisir de la maman, mais il ressent pas l'émotion correspondante. Et donc du coup, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les enfants autistes, en grandissant, vont être déroutés par la complexité des mimiques humaines, et que si les mimiques humaines étaient plus simples que ce qu'elles ne sont, si elles étaient un peu caricaturales, hein, comme dans la bande dessinée ou comme dans les émoticônes, les autistes auraient plus de facilité. Et donc le robot, vous voyez, il vient au secours de cette difficulté, puisque à la fois il peut interagir, il peut suivre les demandes de l'enfant autiste, il peut l'écouter, il peut être présent à lui sur de longs moments, et en même temps il va avoir des mimiques très simplifiées, des mimiques franchement de plaisir sur plusieurs secondes, ou de déplaisir. Et donc du coup l'enfant autiste va pouvoir mieux identifier les mimiques et avoir une meilleure relation avec cet objet robotisé qu'avec un humain. Ceci dit, il faut quand même ajouter que la présence humaine dans ces expérimentations est également très importante. Il n'est pas question de confier des enfants autistes à des robots tout seuls. Il y a toujours en fait une triangulation, l'enfant, le robot et l'être humain. France Culture, Continent Science. Stéphane Delisgeorge. Alors nous allons maintenant, si vous en êtes d'accord, Serge Tisseron, passer à une analyse plus précise, plus fine de l'empathie. Parce que vous la détaillez beaucoup et elle va faire comprendre, je pense, la complexité et en tout cas la nature de votre travail. Vous parlez de l'harmonie rêvée de l'empathie artificielle, c'est le programme d'une certaine façon. Hein. Et vous passez très vite à l'affirmation que l'empathie est une compétence complexe et qu'elle doit évidemment, où l'observation, la mémoire, le raisonnement sont tous combinés pour que se donner donc une expérience subjective de l'autre. Complètement. Alors, on parle de l'empathie par habitude, mais il vaudrait mieux parler des empathies, parce qu'en fait, il existe plusieurs formes d'empathie. Alors, pour aller très vite, il y en a au moins trois. Hein. La première, c'est l'empathie affective. J'identifie les mimiques, ce qu'on disait il y a quelques minutes, je vois que t'es content, je vois que t'es pas content. Elle apparaît vers un an chez l'être humain. La deuxième, c'est l'empathie cognitive, c'est-à-dire je vois que t'es content et je comprends pourquoi t'es content, par exemple, parce que t'as reçu un cadeau, voilà. Et puis après, ça apparaît vers 4 ans et demi, théorie de l'esprit. Et puis après, il y a le troisième niveau qui est extrêmement important chez l'humain, un niveau qui nécessite d'être entraîné chez l'humain parce qu'il vient pas tout seul. C'est ce qu'on appelle le changement de perspective émotionnelle. C'est la possibilité de faire des allers-retours entre l'empathie affective et l'empathie cognitive et de se mettre émotionnellement à la place de l'autre, ce qui va permettre d'introduire la dimension de la réciprocité, d'où vient le sens de la justice, voilà. De la morale. Et de la morale. Et alors, et le robot, l'empathie artificielle, c'est la tentative de créer chez le robot, quoi ? Eh bien, seulement les deux premiers niveaux de cette empathie. Le robot reconnaît les mimiques et le robot, en allant sur Internet, trouve des éléments qui lui permettent de donner une signification aux expressions émotionnelles qu'il voit chez quelqu'un. Voilà, je vois que tu es triste, je vois sur Internet que tu as perdu ta femme il y a juste une année, donc j'en déduis que c'est la date anniversaire de la mort de ta femme, donc c'est pour ça que tu es triste. Mais il faut bien comprendre que cette empathie dite artificielle, l'empathie du robot, c'est pas du tout l'empathie complète de l'être humain. C'est une empathie tronquée. C'est une empathie qui est réduite dans le meilleur des cas, au fonctionnement d'un enfant à 4 ans et demi. Mais toute la dimension, encore une fois, de la capacité de se mettre émotionnellement à la place de l'autre, du sens de la justice, du sens de la réciprocité, pas question de le développer chez les robots. Ça serait même dangereux. Alors, à partir de ce que vous venez de dire très exactement, Serge Tisseron, vous allez plus loin et vous dites, imaginons un robot de plus en plus perfectionné, qui va avoir des capteurs de plus en plus fins, qui va avoir un répertoire donc dans sa base de données après observation d'énormément de mimiques, et évidemment, alors, il risque de faire des faux pas, parce que s'il vous voit triste, ce robot, il risque de vous sourire et de ne pas être accompagnateur de votre deuil. Ou à l'inverse, il risque de renforcer par une expression triste qu'il adoptera. Et au final, c'est un des dangers, on peut dire, c'est que, à la limite, à ce qu'il soit totalement parfait, ça devient comme s'il devait être transparent, c'est-à-dire que l'homme se réduit à un dialogue avec lui-même. Oui, ça, c'est un des grands dangers. Oui, tout à fait. Alors, on peut imaginer des robots extrêmement perfectionnés qui seraient capables d'adopter une mimique, puis comme un être humain, très vite d'en changer. Ils viendront. Mais dans un premier temps, les robots qui vont nous arriver vont être des robots, pour des raisons bien compréhensibles, de vente, de conquête du marché. Les premiers robots qui vont apparaître vont être plutôt des robots qui vont nous confirmer dans nos sentiments, dans nos émotions. C'est ce que j'appelle les robots Nutella. Le Nutella, tout le monde sait que c'est un ersatz de chocolat, inventé pendant la guerre parce qu'il n'y avait pas assez de chocolat, mais beaucoup de gens préfèrent quand même le Nutella au chocolat. Donc on peut préférer la copie à l'original, on peut préférer l'ersatz à l'original. Et le grand danger de cette première génération de robots qui arrive, c'est que pour être rentabilisés, ils sont évidemment conçus sur un mode plus consensuel, plus flatteur. En plus, ils sont incapables de nous parler d'eux, puisqu'évidemment évidemment, ils n'ont pas d'expérience propre du monde, donc ils sont totalement disponibles pour nous écouter parler de nous, et puis pour nous féliciter sur le bel agencement de notre maison, nos nouveaux habits, notre gentillesse, voilà. Et évidemment, nous serons tentés de le croire, et donc ça risque même de nous rendre moins tolérants à la surprise, au caractère radicalement surprenant de l'être humain, oui, et souvent frustrant de l'être humain. Donc je pense qu'il faut anticiper quelque chose qu'on risque d'appeler dans quelques années la dépendance au robot, la robot-dépendance, hein, le fait de, pour certaines personnes, hein, pas pour tout le monde, de préférer des robots toujours gratifiants et toujours gentils à des humains qui, à un moment ou à un autre, s'avèrent décevants et frustrants. C'est ce que vous appelez donc une espèce d'illusion, c'est-à-dire qu'on finit par être dans la tentation de mettre, alors que, mettons ça justement en pierre d'attente ou en incise, le robot ne comprend jamais le message qu'il est en train d'envoyer. Non, mais le robot n'est qu'une machine à simuler. Voilà, c'est complètement. Ça, c'est un simulateur. C'est un simulateur. Gardons cette idée à la tête si vous voulez bien. Mais vous avez raison d'employer le mot parce que c'est toute l'ambiguïté du mot. C'est-à-dire, oui, quand je dis à un roboticien, mais les robots seront toujours des machines à simuler, il y a des roboticiens qui me répondent, ben oui, monsieur Disseron, bien sûr, mais vous croyez que les gens auxquels vous avez affaire dans la vie quotidienne, ils simulent pas? Vous croyez que votre femme, quand vous êtes au lit avec elle, vous êtes toujours certain qu'elle ne simule pas? Donc ces roboticiens me disent, la simulation, arrêtez de la penser comme un problème, pensez-la comme une qualité. Et donc le robot sera capable de simuler à tout moment exactement ce qu'on attend de lui, ben peut-être avec quand même le risque qu'un jour, des patrons, des chefs, des maris, des femmes préfèrent un compagnon, une compagne, un employé capable de simuler à tout moment ce qu'on attend de lui plutôt que de dire des choses qu'on n'attend pas. Vous voyez, c'est ça la grande question qu'il y a derrière les robots, c'est comment ça changera nos relations entre nous autres humains, pas seulement nos relations avec les machines, mais les relations entre nous autres humains. Bien sûr, parce que en particulier vous avez utilisé donc une théorie de l'esprit, vous avez utilisé ce concept-là. La grande question par laquelle on peut essayer de comprendre ce que c'est qu'avoir une théorie de l'esprit, c'est un peu comme avoir une grammaire générative, hein, d'une certaine manière, hein. C'est un dispositif bien particulier qui appartient à l'homme. On se pose la question de savoir si les singes peuvent mentir. On sait qu'ils savent dissimuler. Ils savent dissimuler, mais savent-ils mentir? Or, mentir, c'est savoir que je suis fait exactement comme vous et que j'ai des mille combines pour essayer de vous raconter, si je puis me permettre, entre guillemets, des salades. Hein. Et donc, est-ce qu'on peut imaginer que le robot finira par être menteur aussi, hein? Le robot pourra être programmé pour ne pas toujours dire la vérité, mais c'est le programmeur qui aura derrière qui fera les choses. Puis vous savez, la question très vite, ça va pas être de savoir comment fonctionne le robot, ça va être de savoir comment nous fonctionnons nous avec lui, c'est-à-dire quelle capacité nous lui prêtons. Par exemple, aujourd'hui, certains informaticiens font en sorte que leur robot parfois dise des bêtises. Alors pourquoi? Parce que si l'utilisateur d'un robot s'habitue à ce que le robot dise régulièrement des bêtises, il finit par penser que le robot a été programmé pour avoir d'humour, pour être un peu imprévisible, et du coup, quand le robot bug, l'utilisateur ne s'en aperçoit pas. L'utilisateur pense que ça fait partie du programme prévu, et que c'est un petit élément imprévu qui surgit, et donc l'utilisateur est patient, il accepte plus facilement le bug que devant un robot toujours parfait qui tout d'un coup dysfonctionnerait. Vous voyez ? Donc là, on voit bien qu'en fait, la relation qui va se tisser va être extrêmement compliquée, elle va dépendre de l'homme, elle va dépendre des particularités de la machine, mais elle va dépendre aussi des intentions des programmeurs. Eh oui, bien sûr, toujours. Et toujours. Bien sûr. Alors, on peut rentrer dans plus de détails concernant un des aspects donc de l'empathie, celui qui donc l'empathie inclut évidemment celui de la réciprocité. Alors, vous dites qu'il y a trois aspects complémentaires de l'existence. Alors, je les énumère rapidement et vous allez donc nous dire un petit mot sur chacun. Le premier, c'est l'estime de soi. Évidemment, pour se constituer comme sujet, si on est dans la détestation de soi-même, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe mal. Il faut qu'on soit relativement apaisé avec soi. Et donc, il y a une sorte de réciprocité à soi-même dans ce cas-là qui marche. C'est la faculté aussi que l'on se donne de penser qu'on peut être aimé. Bien évidemment, c'est celle que vous dégagez, hein, d'aimer et d'être aimé. Et puis, aussi, c'est l'ensemble des droits citoyens. Là, cette fois, on élargit presque à la sociologie, ou en tout cas à la philosophie politique, hein, pratiquement, qui réunit trois composantes sous le mot unique de reconnaissance. C'est comme ça que vous expliquez les choses. Il faut donc qu'il y ait réciprocité. Alors, évidemment, entre humains, premier danger, et puis après je vous laisse parler, c'est que, évidemment, on peut finir, plus les robots vont se perfectionner, moins, par rapport à ce que vous disiez, hein, sur ceux qui sont en train de balbutier, ils poseront pas d'embarras, il y aura pas d'inattendus, donc ils seront jamais contrariants, les robots. Mmh. Or, un humain, il a autant de chances d'être parfaitement agréable que d'être parfaitement contrariant, entre guillemets, chiant comme la pluie, quoi, aussi, hein, et on peut l'être à notre tour. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Oui, l'humain est fondamentalement imprévisible pour l'humain. Oui. Toutes les dictatures rêvent de fabriquer de l'humain prévisible. Mais pas seulement les dictatures. Beaucoup de parents aussi rêvent de fabriquer des enfants prévisibles. Mais ça ne marche jamais. L'humain se rebelle contre le caractère imprévisible qu'on veut lui donner. Et l'adolescence, d'ailleurs, montre largement un grand échec pour les parents qui ont voulu façonner leur enfant tel qu'ils le désiraient. Donc voilà, l'humain échappe toujours. Alors, oui, le robot, lui, sera conçu pour ne pas échapper, mais éventuellement pour échapper à la marge. Et vous savez, aujourd'hui, les joueurs de jeux vidéo savent bien que on peut régler tous les jeux en normal, facile, très facile, ou difficile, très difficile. On peut imaginer que les robots soient munis de la même manière d'une petite commande, pas du tout imprévisible, un peu imprévisible, très imprévisible. Et peut-être des gens commenceront par les régler normales, puis après diront, tiens, qu'est-ce que ça donne quand c'est un peu imprévisible. Mais les robots, en tout cas, pourront toujours être à la carte. Voilà. Et avec effectivement, jamais d'estime d'eux-mêmes, hein, donc on pourra les enfermer au placard pendant une journée, on pourra les insulter, voilà, ils comprendront tout ça très bien, voilà, on ne leur reconnaîtra pas les mêmes droits qu'à nous, hein, bien qu'il y ait des projets dans ce sens-là, mais c'est pas demain la veille, à mon avis, qu'on y arrivera. Il faut d'abord reconnaître à tous les humains les droits des humains avant de commencer à reconnaître aux robots les droits des humains, quand même. Ça serait la moindre des choses. Et il y a du boulot. Voilà. Et en même temps, il y aura probablement des gens qui auront le désir d'établir une réciprocité avec le robot. Mais aucun scientifique n'est fou au point de vouloir créer une réciprocité avec un robot. Il faut que ce soit toujours l'homme qui donne les consignes au robot. Et si vous voulez, aujourd'hui, toutes les travaux en robotique visent à fabriquer des robots qui soient capables de réaliser, éventuellement de façon imprévisible, les tâches qu'on leur demande de réaliser. Mais on ne leur demande pas de prendre l'initiative des tâches qu'ils ont à réaliser. Les robots, aujourd'hui, savent de plus en plus apprendre, mais ils apprennent dans le domaine où on les programme pour apprendre. Il n'est pas question de fabriquer un robot universel qui pourrait... Totalement polyvalent. Totalement polyvalent. Oui. Ça serait un danger terrible, parce qu'à la limite, un bug, il se mettrait à avoir une activité pour laquelle on ne l'attendait pas à ce moment-là. Alors, il y a une première conclusion que l'on peut tenir, puisque vous parlez de pièges redoutables. Hein. Quand vous analysez donc, à nouveau, en regardant la relation empathie, cette fois de l'empathie altruiste, donc on est au bout du bout pratiquement, du robot et de l'homme, vous dites que il y a le risque que l'homme finisse par considérer comme le robot comme ayant une qualité d'interlocuteur. Et là, alors, l'empathie entre homme et robot, donc entre l'homme et la machine, pourrait constituer un piège redoutable. Oui, c'est même le titre de mon livre, Le jour où mon robot m'aimera. Des gens disent, mais qu'est-ce que c'est que ça, le jour où mon robot m'aimera? Ben, je dis, le jour où vous penserez que votre robot vous aime, eh ben, vous êtes bien mal parti, parce que vous prendrez des vessies pour des lanternes, vous prendrez l'illusion et la simulation dont le robot est capable pour une réalité. Qu'on aime son robot, c'est tout à fait envisageable, mais penser que notre robot nous aime, ça, oui, c'est envisageable aussi, hélas. Mais à ce moment-là, on est totalement dans la projection, dans l'illusion de la projection. On peut repérer ses émotions par rapport à un robot, mais personne ne peut s'assurer qu'un robot éprouverait réellement comme nous les émotions qu'on lui prêterait. Alors ça paraît assez simple quand on le dit comme ça, mais le grand problème, c'est qu'aujourd'hui des fabricants de robots, et il y en a beaucoup, sont tentés de nous prétendre, de nous faire croire qu'ils nous vendraient des émo-robots, c'est-à-dire des robots émotionnels, des robots qui auraient du cœur. Il y en a même plusieurs dont les logos aujourd'hui sont un petit petit robot avec un gros cœur rouge, même des fois dans des vidéos on le voit battre, pour essayer de convaincre l'acheteur possible qu'il va acheter une machine qui a du cœur. En fait, les robots n'ont pas plus de cœur qu'une machine à laver, mais leurs programmes sont conçus pour qu'ils soient capables de le simuler. Alors, toute petite remarque avant qu'on ait une petite pause musicale de respiration dans vos explications, Serge Tisseron, vous dites vous-même que regardant un petit robot ménager qui faisait donc soigneusement et automatiquement contournant les obstacles, vous avez été pris alors quoi d'une inquiétante empathiquement étrangeté. Oui, alors l'expérience est très intéressante et je conseille à tous nos auditeurs de la faire, bon, soit s'ils ont un robot aspirateur ou s'ils sont chez des amis qui en ont un, d'essayer, après le regarder fonctionner pendant 5-10 minutes, même 3 minutes, et puis essayer d'expliquer à quelqu'un, voilà, qu'est-ce qu'ils ont vu. Eh bien, on s'aperçoit que nous n'avons pas de vocabulaire pour raconter les mouvements des machines. Et tout de suite, nous racontons des intentions, c'est-à-dire ils cherchaient la poussière, il ne savait pas trop où aller, il hésitait, il avait perdu sa base, voilà. C'est-à-dire, on pense tout de suite en termes d'intention. On ne décrit pas des comportements comme un comportementaliste qui dirait il est allé à droite, à gauche, il est revenu à droite, etc. Non, on décrit tout de suite des intentions. Et c'est pour ça que c'est une expérience aussi intéressante parce que si on est capable de prêter des intentions à un robot aspirateur, vous imaginez les intentions qu'on pourra prêter à un robot humanoïde. Évidemment. Eh bien voilà, après cette musique proposée par Viviane Noël et par Clément Daté, qui a fait dire à Serge Tisseron qui l'écoutait que c'était comme un serpent qui s'enroulait et se déployait vers je ne sais pas quel infini. Retour à nos artefacts qui risquent d'être nos artefacts préférés. En tout cas, dans cette analyse... Et malheureusement, on ne pourra pas être exhaustif sur tous les points d'analyse que vous faites. C'est pour ça que je ne peux que recommander la lecture de votre ouvrage, bien sûr. Vous parlez dans un chapitre qui s'appelle « Splendeur et misère » de l'empathie artificielle. La situation, c'est très très étonnant à analyser. Vous parlez de synchronisation parfaite. Et vous analysez la situation où il y a un risque que on finisse par le robot, à notre insu, finisse par un certain nombre d'actions à nous faire complètement changer d'avis. Hein ? C'est un risque possible. Et vous analysez ça à travers trois étapes qui sont, alors je connaissais évidemment absolument pas ces termes, hein, le mirroring, le passing, et très étonnant le passing, hein, et puis enfin, on arrive à un troisième terme qui est à la fin, que je ne trouve plus dans mes notes, mais que vous allez nous donner. En tout cas, quelles sont ces étapes? Parce qu'il y en a une qui est intéressante, le passing, c'est se mettre synchrone avec, non? Oui, tout à fait. Alors, c'est du vocabulaire utilisé depuis des années pour étudier la relation entre deux humains. comment un humain va pouvoir établir une relation harmonieuse avec l'autre. Et alors, le mirroring, ça consiste à adopter les positions de l'autre. Par exemple, si l'autre est détendu dans son fauteuil, les jambes croisées, on va commencer soi-même par prendre la même position, les jambes croisées. C'est des choses qui ont été beaucoup vulgarisées à travers la PNL, mais qui sont bien antérieures à la PNL. Qu'est-ce que c'est la PNL ? La programmation neurolinguistique. D'accord. Ça avait été enseigné au début à des cadres pour qu'ils arrivent à manipuler leurs interlocuteurs négociations, mais comme tous avaient le même coaching, ils arrivaient tous à repérer tout de suite, et donc du coup, ils se désintégraient tous et ils s'annihilaient tous mutuellement. Voilà. Donc l'apprentissage n'était pas exploitable, parce que dès qu'il y en avait un qui essayait de le faire, l'autre le repérait tout de suite. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ces choses-là fonctionnent entre les humains, et donc il y a eu des études, alors c'est pas avec des robots encore, mais c'est avec des avatars sur un écran, d'un avatar qui est capable, un avatar sur un fauteuil, sur un écran devant vous, qui va adopter les mêmes positions que vous, qui va adopter le même rythme de parole que vous, et puis qui va éventuellement utiliser les mêmes métaphores que vous, si vous êtes plutôt quelqu'un de physique qui emprunte ses métaphores au combat, au sport, votre interlocuteur va adopter les mêmes métaphores, et donc il paraît, j'ai pas pratiqué moi-même, mais il paraît que cette attitude-là permet, donc quand votre interlocuteur est ignorant de ce que c'est, cette attitude-là permettrait d'établir avec votre interlocuteur une sorte d'harmonie qui fait que votre interlocuteur pourrait après être amené là où vous avez envie de l'amener. C'est-à-dire d'abord, c'est vous qui vous mettez là où il est, et puis petit à petit, vous l'amenez là où vous avez envie de l'amener. Et en effet, un robot pourrait faire ça beaucoup mieux qu'un humain, parce qu'il ne serait pas préoccupé de lui-même, encore une fois, parce que il serait tout entier à l'écoute des intonations, qu'il saurait décrypter dans leur fréquence bien mieux que nous, il serait à l'affût des métaphores et des références, Il ne serait pas encombré ni par sa conscience, ni par son inconscient. Et il serait donc totalement à l'écoute, il pourrait être totalement manipulateur. Et sans arriver encore jusque-là, il y a quand même des études qui ont montré que on peut modifier l'intonation, la forme du visage, les attitudes. Alors pas encore une fois, c'est pas encore d'un robot, c'est d'un visage sur un écran. Et il y a une différence de genre, d'ailleurs. Voilà, différence de genre. On peut modifier tout ça pour faire en sorte qu'un visage sur un écran soit très persuasif. On peut faire aussi en sorte de modifier ce visage sur un écran pour qu'il soit très autoritaire et donc ou qu'il soit un bon confident. Et donc vous voyez, on pourra probablement programmer un robot pour qu'il soit capable de vous faire dire des choses très personnelles de vous. On pourra aussi programmer un robot pour qu'il soit capable de vous imposer de faire quelque chose comme de prendre vos comprimés. Et aujourd'hui, on n'en est plus seulement à utiliser des avatars, notamment avec les petits robots Nao, fabriqué par Aldébaran. Aujourd'hui, il y a des programmes qui étudient comment un robot, par son intonation, par son geste, peut favoriser des confidences ou au contraire imposer une autorité. Et là, dans ce cas-là, ça devient un petit robot espion d'une certaine manière, ou en tout cas, il fait dire des choses de votre intimité que, par exemple, dans le commerce de l'amitié, c'est un des tests que l'on dit des choses un peu plus secrètes de soi. Oui. Alors, je vous demande l'autorisation, parce qu'après avoir lu ce passage, je me suis dit, en somme, ce qu'est en train d'expliquer Serge Tisseron, c'est que il va y avoir une partie des robots qui seront des robots flatteurs. Oui. Vous êtes d'accord sur le terme ? Oui, alors ils seront flatteurs, ils le sont déjà. Il y a déjà des robots introduits chez les personnes âgées, comme je l'évoquais tout à l'heure, mais sans les désigner, mais ça existe. C'est la première chose qu'ils disent chez la personne âgée, c'est « Oh, qu'est-ce que c'est beau chez vous, c'est bien arrangé. » Et j'ai vu que vous saviez chanter. Bon, le robot peut le savoir parce qu'il va sur Internet, il sait tout. Donc, est-ce que vous voulez me chanter quelque chose ? Oh, c'est formidable comme vous chantez bien. Donc, ça, c'est déjà l'actualité des robots installés chez les gens. Mais là, on évoque un autre élément, c'est le robot qui va devenir un confident. C'est-à-dire, le robot va avoir une attitude où, très vite, nous allons tellement nous sentir à notre aise avec lui que nous pourrons lui dire beaucoup de choses que nous ne dirions même pas à un très proche, à un très familier. Mais il faut comprendre que le robot ne gardera rien pour lui. Il enverra tout sur un serveur distant, Et ces informations iront, bien sûr, au fabricant du robot, mais au-delà de lui, elles pourront aller à beaucoup d'autres personnes. Et voyez, lorsque le patron de SoftBank commercialise actuellement le robot Pepper, donc fabriqué en France par Aldébaran, SoftBank prévoit d'en commercialiser un par famille japonaise dans les 5 ans qui viennent, un marché phénoménal. La première question, l'une des questions qui lui a été posée, c'est évidemment, et les données personnelles des usagers, puisque Pepper filme tout, enregistre tout. Et le patron de SoftBank a répondu, a promis que ces données ne seraient pas stockées dans le cloud, parce que le cloud, c'est pas sécurisé. Il a rien promis d'autre, hein. C'est-à-dire, il a gardé le silence le plus complet sur l'utilisation qu'il fera des données personnelles des gens. Et aujourd'hui, bien sûr, on sait que nos données personnelles, quand on téléphone, quand on va sur Internet, on sait qu'elles sont pillées. Mais quand on est avec nos enfants dans notre appartement, que notre ordinateur est débranché, on est tranquille. Le jour où l'enfant aura un jouet robot, ou que nous aurons nous-mêmes un robot majordome, eh bien, nos données personnelles seront transmises, pas seulement quand nous nous connecterons à une machine, mais en permanence. Et là, évidemment, ces big data sont de plus en plus, en termes de quantité, hein, oui, voilà, sont et absolument gigantesques et de plus en plus affinées. Absolument. Donc, et il n'y a aucune législation. Voilà. La technologie va extrêmement vite, le volume de données est toujours de plus en plus grand, la variété de plus en plus grand, la vitesse de traitement de plus en plus grande, les 3 V hein, du Big Data, mais il n'y a aucune législation. Voilà. Nulle part. Ni dans des pays précis, bon, ni au niveau, encore moins à niveau mondial. Oui. Et là, vous revendiquez le fait qu'on crée des, à l'analogue des comités d'éthique portant par exemple sur les cellules souches, sur un certain type de manipulation génétique, mais qu'il y ait donc des comités d'éthique par rapport à des programmes d'intelligence artificielle qui pourraient justement être extrêmement attentatoires à nos libertés. Oui, alors il y a des comités d'éthique qui réfléchissent, qui font des propositions, mais ces propositions aujourd'hui ne sont pas adoptées par les législations des grands pays ou des grandes communautés. Donc, il y a des gens qui réfléchissent, qui font des propositions. Mais il faut comprendre aussi que la technologie va tellement vite que ces propositions sont toujours en retard. Ouais. Et du coup, je pense, et c'est pour ça que j'écris mon livre, je pense que la meilleure protection, c'est la protection que nous serons capables de nous donner chacun à nous-mêmes. C'est-à-dire acheter des machines qu'on pourra débrancher, exiger qu'on puisse les débrancher, exiger qu'on sache comment les débrancher, exiger que la machine ne nous convainc pas par tous les moyens possibles et imaginables de ne pas le faire. Voilà. Vous savez, aujourd'hui, les fameux cookies, on sait qu'ils nous poursuivent, mais il y a toujours marqué, vous pouvez les débrancher, mais si vous les débranchez, attention, nous ne garantissons pas que le service sera bien effectué. Oui, bien sûr. Si vous avez ça en gros sur les robots, vous serez dissuadé. Voilà. Donc, je crois que le meilleur rempart, c'est tous les utilisateurs eux-mêmes, et qu'il faut vraiment demander aujourd'hui, dès aujourd'hui, les robots que nous voulons, qu'on puisse les débrancher, qu'on sache quelle utilisation est faite de nos données. Voilà. Et parce que s'il n'y a pas une pression des utilisateurs pour l'obtenir, c'est évidemment pas les fabricants qui vont faire des démarches dans ce sens. Et le politique a tellement de problèmes à traiter qu'il risque de pas s'en intéresser non plus. Quel est votre sentiment, rapidement, Serge Tisseron, sur l'appel qu'ont lancé Stephen Hawking, donc le grand astrophysicien? Oui, oui. Et puis le patron de Bill Gates, pointe et dénonce les dangers de l'intelligence artificielle. Le terme n'est pas plus spécifié, hein, l'intelligence artificielle. Voilà. Alors petit mot là-dessus. Parmi les signataires, il faut se rendre compte que il y a beaucoup de gens qui, à la fois, mettent en garde contre la fabrication d'intelligence artificielle, mais d'un autre côté, qui travaillent ardemment à la fabriquer. En fait, c'est toute l'ambiguïté de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que beaucoup de gens, notamment dans la Silicon Valley, voudraient fabriquer une intelligence artificielle qui puisse leur donner l'immortalité. Mais en même temps, ils craignent qu'elle prenne son autonomie. Donc, ils sont très ambivalents. Moi, ce qui me préoccupe plus, c'est que tous ces gens qui s'inquiètent d'une intelligence artificielle autonome ne s'inquiètent pas du tout du fait que moi, quand j'utilise l'une de leurs machines ou même mon ordinateur, je suis déjà victime des petites intelligences artificielles qu'ils ont mises dans les programmes. Bien sûr. Voilà, c'est ça, moi, qui m'inquiète. Je pense qu'en tant que citoyen, ce qui est préoccupant, c'est pas la grosse intelligence artificielle que Kurzweil promet pour 2045, Oui, le grand gourou des transhumanistes. Le grand gourou transhumaniste. Ce qui est en cause pour moi, c'est toutes ces petites intelligences artificielles qui nous piègent sans arrêt, qui orientent nos choix, ces algorithmes qui nous amènent finalement à voir le monde à travers la philosophie des gens qui les programment. Oui, et puis de toute façon, on travaille pour eux aussi, puisque on peut aller jusqu'à dire que chaque clic est un petit travail qui est accumulé par des milliards de fois. C'est le travail gratuit à ce moment-là. Et vous dites même qu'à un moment, dans l'entretien que vous avez eu avec Alexandre, son prénom m'échappe, Frédéric Alexandre. Voilà, ça me revient, vous dites que d'une certaine manière, il faudrait se poser la question de démanteler des Google qui deviennent évidemment des monopoles absolus. Qui deviennent des pouvoirs supérieurs au pouvoir des États. D'ailleurs, il suffit de voir qu'ils essayent de c'est le libertarisme poussé à son comble, puisqu'ils essayent en particulier certaines de ces grandes entreprises à faire des îles artificielles. Absolument, pour échapper à toute législation. C'est ça, et en particulier à tout fisc possible. Voilà. Regarde, puisqu'il n'y a pas le droit de l'océan, donc l'océan est international, n'appartient à personne, hors les zones ZEE, de zones d'économie exclusive. Et là, eh bien, on s'affranchit de tout, et évidemment des États qu'ils détestent. Oui. Et des politiques et des gouvernants. Oui, avec la possibilité de faire des manipulations génétiques interdites partout dans le monde et la possibilité de protéger ces îles par des robots militaires. Voilà, on est dans les pires scénarios de science-fiction. Oui. Mais la puissance de Google aujourd'hui oblige à considérer réaliste ces pires scénarios de science-fiction. Évidemment, ils ont décidé, ils ont mis dans leur logo, dans leur phrase de référence, de ne pas faire le mal. Mais il y a beaucoup de choses qu'ils considèrent eux pour être le bien que moi. Sur lesquels je doute quand même qu'il s'agisse vraiment du bien. Voilà, donc c'est leur définition du bien et leur définition du mal aussi qui est en cause. Alors, on va aborder un peu abruptement, malheureusement, mais deux questions qui sont tout à fait fascinantes. Et là, évidemment, votre expertise est on ne peut plus intéressante. À un moment... il va bien y avoir une espèce de rupture, non pas de degré, mais presque de nature, quand il va y avoir des artefacts humains qui vont être avec une conscience réflexive, une conscience de soi. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que le modèle du robot que nous adoptons chez nous, que nous éduquons, qui a une personnalité, c'est un modèle qui nous séduit mais qui n'existera jamais. Pourquoi? Parce que les robots vont être interconnectés, soit par Internet, soit par un autre réseau. Et donc, du coup, quand un robot apprendra quelque chose, ça sera envoyé à un serveur distinct. Tous les robots de la même marque, du même modèle, enverront tout au même serveur. Et quand un robot sera face à une situation qu'il ne connaît pas, il puisera dans ce serveur distinct l'information dont il a besoin pour répondre à une situation. Donc il y aura en fait des communautés de robots. Il faudrait que les robots disent « nous ». Un robot ne dira jamais « je ». C'est pour ça que l'histoire des droits des robots, ça serait l'histoire des droits des communautés de robots. Alors, la rupture, elle va se faire, je pense, autour du fait que ces machines communiquant en permanence entre elles deviendront très vite beaucoup plus performantes que nous. Et c'est pour ça qu'il y a des programmes qui prévoient, notamment les transhumanistes, qui prévoient qu'à ce moment-là, il faudrait déjà au minimum que nous soyons interconnectés. C'est-à-dire que l'accès à Internet ne se fasse pas en nous branchant sur une machine ou mettre par un téléphone mobile, mais que l'accès à Internet se fasse même depuis notre cerveau, que nous puissions, dans notre pensée, de la manière que nous pouvons décider de penser à notre appartement quand nous sommes loin de notre appartement, tout d'un coup, nous déciderions de nous connecter Internet dans notre tête, nous connecterions Internet dans notre tête. Alors il est bien évident que si c'est possible un jour, probablement ce sera possible un jour, tout le monde ne va pas en profiter en même temps. Il y aura des gens privilégiés. Et donc du coup, très vite, ça risque de créer une humanité avec évidemment ceux qui auront cette capacité. Vous donnez le chiffre d'ailleurs d'une prothèse de bras, c'est plus de 30 000 dollars. Donc c'est une minorité qui pourra. Alors justement, sur les trois impératifs ou les trois objectifs qui sont donc ceux du programme dit NBC, donc c'est celui des transhumanismes, il y a évidemment les trois limites naturelles biologiques, c'est là-dessus qu'ils s'appuient, c'est qu'ils sont naître, souffrir et mourir. Et donc, là encore, essayons de mêler une dernière chose qui là a été posée par Alan Turing, le grand spécialiste, c'est-à-dire le test ELISA, c'est-à-dire le moment où, d'un seul coup, on va discuter avec quelque chose, avec un être qui nous parle, qui nous répond, ainsi de suite. Et on nous posera la question à la fin, avez-vous discuté avec un artefact ou avec un humain ? Et on ne saura pas. Et on dira un humain. et on pourra dire une machine, et ce sera un humain. Ça aussi, ça a été montré. Oui. Il arrive qu'on prenne pour une machine un interlocuteur humain dans ce test, dans l'équivalent de celle de Turing. Voilà. Alors, est-ce que ça va suffire, hein, pour qu'on puisse donner à ces machines officiellement un statut équivalent? Non. Mais en revanche, avant même d'en arriver là, encore une fois, l'illusion sera complète. L'être humain a tellement tendance à projeter constamment ses intentions, ses émotions sur son environnement, aussi bien des objets inanimés que des objets animés, que dès qu'on aura affaire à une machine avec laquelle on interagira, on lui prêtera évidemment nos émotions. C'est pour ça que je dis Vous parlez de robes-objets. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas attendre d'avoir un robot perfectionné pour nous interroger sur notre relation à ce que sont nos interrogés, sur ce que ces relations seront. On en a déjà une préfiguration dans la relation que nous avons avec de simples objets, auxquels nous prêtons des, le robot aspirateur, on prête des intentions au robot aspirateur, voilà. Alors, qu'est-ce que seront nos relations avec les machines demain? On peut pas le savoir parce que il est bien évident que notre corps va changer, parce qu'on évoquait là la possibilité de communiquer via Internet dans notre tête. Oui, il y a aussi toutes les manipulations génomiques quand même. Mais actuellement, les programmes s'égrincent. C'est-à-dire le génome est en premier et la robotique en second, l'intelligence artificielle en troisième, les nanotechnologies en quatrième. Donc aujourd'hui, les transhumanistes pensent autant en termes de manipulation génétique sur les nouvelles générations qu'en termes d'amélioration en termes de couplage homme-machine. Voilà, le couplage homme-machine est un peu dépassé dans le transhumanisme. C'est aujourd'hui la manipulation génétique qui prévaut. En tout cas, vous dites à un moment, et c'est très étonnant, que s'il y a des artefacts, donc produits de l'intelligence artificielle qui sont autoréflexifs, à ce moment-là, vous dites qu'il faudrait presque inventer un autre ordre que celui des animaux, des hommes, Voilà, ça j'en suis persuadé. Et je pense d'ailleurs que tous les travaux actuels pour donner aux animaux un statut différent. Alors on en a eu un exemple en France avec la loi de 2014, vous voyez que les animaux ne sont plus des biens meubles dont on peut faire ce qu'on veut, mais ce sont des créatures sensibles. Voilà. Alors, ceci dit, pas tout également, hein, parce que les rats, on continue à les empoisonner dans les caves, mais les souris de laboratoire, on essaye de pas leur faire de mal, donc il y a quand même, ça reste compliqué. Mais en tout cas, le changement de statut en France et partout dans le monde, hein, les travaux pour montrer que les animaux sont des êtres sensibles, je crois que ça prépare l'avènement d'une nouvelle division du vivant, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus d'un côté les hommes et d'un autre côté tout le reste, les plantes, les animaux, mais il y aurait d'un côté les créatures vivantes sensibles, c'est-à-dire les hommes et les animaux, et d'un autre côté les créatures vivantes non sensibles que seraient les robots. On ne va pas anesthésier un robot pour lui changer un bras. Hein. Et d'ailleurs, c'est une belle chose dans la guerre des étoiles, il y a beaucoup de bêtises sur les robots, mais il y a une chose qui est très juste, c'est quand C3PO perd un bras, il regarde son bras de loin et il dit « Oh mon bras !» C'est-à-dire qu'en fait, le robot ne souffre pas. Et donc, du coup, comme une plante, Et donc, du coup, on peut mettre des capteurs au robot pour qu'il évite de s'endommager s'il est en contact avec des substances acides ou des substances brûlantes. Mais en tout cas, c'est pas l'équivalent de la souffrance. Voilà. Donc, je crois qu'on évolue vers un monde dans lequel nous serions avec les animaux, une créature vivante sensible. Et puis, les robots et les plantes seraient du côté des vivants non sensibles. Oui. Alors qu'évidemment, il y a quelques... Pas au sens de sentience, mais il y a quelques sensibilités, bien sûr, aussi chez les plantes. On ne sait pas de quelle nature, on ne sait pas si on peut dire le mot de souffrance. Mais très différente, voilà, très différente. Alors pour on arrêterait de manger des légumes. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Et là, on ne pourrait même plus être végétarien, mais on n'aurait plus que le droit de... manger des pierres. Et boire de l'eau. Se nourrir de minéral et boire de l'eau. Voilà. Pour finir, vous dites... évidemment, il faut soutenir tout le temps la volonté, parce que ça, c'est un des propres de l'humain, d'une certaine façon. Le goût du débat et de la controverse. Ah oui. Il faut des mesures législatives qui sont absolument indispensables. Vous requérez aussi le droit au silence des puces, vous avez dit par rapport aux machines. Par rapport aux cookies. Et donc, là, on aurait quelques chances de pouvoir contrôler la chose. Vous êtes pessimiste ou vous êtes optimiste vis-à-vis de ce monde qui se prépare? Écoutez, je suis psychiatre et pour m'être occupé longtemps de déprimés, je sais que le pessimisme coupe les bras. Quand on est pessimiste, on ne voit pas ce qu'on pourrait faire, on n'a plus rien envie de faire. Donc je suis plutôt pessimiste, vous voyez, par conviction, parce que dans mon livre, une grande partie montre combien la situation est grave, mais je suis optimiste par résolution. Je pense qu'il y a des moyens pour éviter le pire, faire advenir le meilleur, ça ne dépend pas que de ce que j'écris dans mon livre. Il y a beaucoup d'autres choses, mais en tout cas pour éviter le pire en robotique, il y a des moyens qui existent, mais il faut une mobilisation. Il faut vraiment que la robotique devienne un sujet de débat public, hein, que les gens soient consultés pour savoir les robots qu'ils veulent, et j'irais même jusqu'à dire que nous soyons capables de refuser les robots de première génération qui vont être des robots Nutella, qui vont être des robots flatteurs, qui vont être des robots élémentaires, mais qui vont faire flamber nos illusions de communication et qui vont être des robots dans lesquels, pour lesquels la protection de nos données personnelles ne sera pas encore assurée. Ouais, c'est ça le point de fort, bien sûr. Je pense que ces robots-là, il faut être capable de les refuser pour obliger les concepteurs et les pouvoirs publics à nous protéger mieux contre les dangers des robots. Et, ultime question, si un jour ils deviennent autoréplicants, là encore on pourrait passer des heures, hein, mais c'était une idée de von Neumann, ce génie aussi bien en mécanique quantique, en fondement des mathématiques, enfin bref, et qui a imaginé... Alors il y a eu un très bel article dans l'American Scientific qui voyait partir un bateau, et puis après il voyait en retour une flotte, l'autoréplicant. Oui, ça alors... c'est une des caractéristiques ou des propriétés absolument nécessaires à la vie. Oui, nous sommes des répliqueurs. Oui, mais encore une fois, même les cellules, hein, vous évoquiez tout à l'heure la reproduction par mitose des cellules. Mais des cellules qui se reproduisent par mitose, elles ont chacune leurs expériences personnelles, si on peut dire, elles évoluent chacune à leur façon. Il faut bien comprendre que ce qui sera central dans les robots, c'est l'interconnexion. Et donc, du coup, même s'ils s'auto-reproduisent, même s'ils s'auto-multiplient, eh bien, l'ensemble des robots d'un même modèle et d'une même marque continuera à puiser dans le même serveur distance les informations dont il a besoin. Donc, ça veut dire que tous les robots du même modèle, de la même marque, feront face de la même manière à la même situation. Voilà. Donc, du coup, vous voyez, rien d'équivalent à la manière dont les expérience d'un humain sédimente chez lui de manière semblable à aucun autre. Ça restera l'apanage de l'humain. Et je dirais que ce sera même la grande difficulté, parce que cette faiblesse des robots de ne pas avoir d'existence personnelle pourrait devenir leur force à partir du moment où ils sont interconnectés, si on n'y prend pas garde. Oui. Et dans ce cas-là, on pourrait avoir des robots malfaisants. Alors, on pourrait avoir des robots qui contrarient la dernière loi de d'Asimov alors, dans les lois de la robotique, c'est-à-dire qu'ils se retournent contre nous. Tout à fait. Si vous voulez, il y a eu une époque où beaucoup de roboticiens, enfin un certain nombre de roboticiens plaidaient pour l'open source. Moi-même, j'ai beaucoup plaidé pour l'open source, mais finalement, j'en reviens. Open source, source, ça veut dire des logiciels libres. Ça veut dire que le mode de programmation des robots est en accès libre, donc vous achetez un robot, vous pouvez le reprogrammer. Bon, l'ennui, c'est que vous pouvez fabriquer un robot terroriste en moins de 2. Donc, l'open source présente aussi beaucoup d'inconvénients. Mais... En revanche, à partir du moment où les robots ont une capacité d'apprentissage, vous pouvez très bien apprendre à votre robot à fabriquer des gâteaux, vous pouvez lui apprendre aussi à fabriquer des bombes. Dans les deux cas, l'information est envoyée au serveur distinct et devient disponible à tous les robots. Alors, si le robot a le matériel de fabriquer le gâteau, il fabrique le gâteau. Si le matériel de fabriquer les bombes, il fabrique les bombes. Donc, il faudra bien qu'il y ait une régulation quelque part. Et la question, c'est la question de la régulation. Et ce sera une régulation humaine par des algorithmes, et ce sera une régulation par la communauté de robots elle-même. Il y a de grands débats actuellement là-dessus, parce que on peut penser, c'est légitime de penser que de la même manière que tous les parents, que la grande majorité de parents élèvent leurs enfants dans des valeurs de la société, on peut penser qu'un grand nombre de gens élèveront leurs robots dans les valeurs de la société. Donc parmi les robots dans la société, une majorité d'entre eux seront acquis aux valeurs de la société. Et donc du coup, on peut imaginer que les robots s'autorégulent entre eux pour inhiber les attitudes antisociales de ceux des robots qui auraient une éducation antisociale. Voilà, on n'est pas absolument dans la science-fiction parce que les robots, encore une fois, ont déjà l'interconnexion par Internet. Et l'interconnexion ne va pas leur apporter bientôt. Ils l'ont déjà. Et ça, c'est la grande inconnue. Et surtout, ils peuvent déjà être confrontés à la porie du tramway et l'aiguillage aussi, hein, d'une certaine manière. Là encore, de pensée terrible, mais responsabilité du robot ou pas. Oui, alors, je tue deux personnes d'un côté si je le fais passer par l'un, je tue un bébé si je le fais passer par l'autre. Que vais-je faire ? Alors actuellement, c'est un problème d'algorithme. Le problème, c'est que personne ne sait les algorithmes qui ont été implémentés chez les robots pour résoudre cette question. Et j'ai même posé la question un jour à la responsable juridique de Google, puisque le hasard avait fait que j'étais à une table ronde avec elle. Je lui ai dit, et si le robot est confronté à la nécessité d'écraser un enfant ou de provoquer un dégât matériel important, quel algorithme avez-vous prévu ? Et elle a éclaté de rire en me disant, mais il n'y aura jamais de problème avec les véhicules Google. Évidemment, propaganda. Hein. Menter ou calomnier, disait Voltaire, il en restera toujours quelque chose. Hein, on est dans cette formule. Voilà. Je redonne le titre de votre ouvrage qui déjà indique tout le programme. Donc, Serge Tisseron, Le jour où mon robot m'aimera, avec un sous-titre, vers l'empathie artificielle. L'empathie artificielle. Et donc, c'est un oxymore. Oui, absolument. Oxymore. L'empathie comme un oxymore. C'est publié aux éditions Albin Michel. Ben, nous voilà arrivés au terme de ce rendez-vous de Continent Science. Merci, bien sûr, de votre attention et de votre fidélité. Vos remarques et vos critiques sont les bienvenues. Merci à Clément Daté qui aujourd'hui a mis en onde cette émission, merci à Viviane Noël pour sa réalisation. Continent Science et balado diffusé. Si vous voulez réécouter cette émission n'importe où, n'importe quand, dans votre grande liberté, vous reportez à internet franceculture.fr, émission Continent Science. Vous avez ainsi la possibilité de nous écouter et de nous télécharger selon un espace de temps très grand. Demain, à la même heure, vous retrouvez René Friedman, mais avec les révolutions médicales, et pour l'instant, il est presque 17h, 16h58, et sont déjà arrivés dans ce bureau. Hervé Gardette, que je salue bien. Bonjour Hervé Gardette. Eh bien, je vous rends votre salut, Stéphane Delisgeorge. Enfin, je vous le rends, je vous donne le mien, si vous préférez. Voilà, soyons un peu généreux. Et je vous dis à lundi prochain. Oui.